De vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz sur Canal B et aussi en diffusion internet à partir du blog de l'Asile, asile35.blogspot.fr, émission également écoutable en streaming à partir de son Mixcloud/Redman. Et ce soir, émission un peu spéciale, j'ai le plaisir d'accueillir mon premier invité de la nouvelle saison, en la personne de Jeff de l'association rennaise Youpsa. Salut Jeff. Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir Philippe. Bonsoir à toi. Donc, à l'occasion de deux soirées concerts qui auront lieu très prochainement à Rennes, ce sera jeudi de cette semaine. Donc, ça doit être le 11, quelque chose comme ça. C'est bien ça, jeudi 11 septembre, à la chapelle de l'Hôtel Dieu. D'accord. Et une autre soirée le 18 qui, elle, aura lieu à la Cité. Voilà, à la Cité, qui hélas verra pour l'occasion un de ses derniers concerts en soirée, puisque la nouvelle est tombée et cette salle ne servira plus qu'à des concerts d'après-midi. D'accord, donc ce sera un enterrement de première classe avec vos sélections de musique plutôt folk américaine, hein, c'est bien ça? Oui, pour ratisser large, voilà. On peut dire ça comme ça, du coup. On appelait ça du folk de traverse, ou pas si tu as... On pourrait, oui. Enfin bon, l'étiquette importe peu finalement, c'est la qualité de la musique et des artistes en question qui prime avant tout. Et une soirée autour du label Mississippi Records. Donc on va vous présenter tout ça tout au long de l'émission. Et je t'ai préparé une petite séquence d'intro avec de l'actu, et plutôt de l'actu un peu dans le même genre de thème. En fait, on pourrait dire une sorte de musique un peu post-psychédélique aussi, quelque chose d'un peu atypique, comme tu devrais l'aimer, donc à savoir d'abord des Danois. Il s'agit de Kosa Sui. Alors là, c'est une découverte pour moi, c'est un peu les Bardopons de Copenhague, pour te faire un peu une sorte de descriptif, qui viennent de faire paraître un disque qui s'intitule Session Volume 3, en compagnie d'un des membres de Sunburn Hand of the Man, à savoir Ron Schneiderman, qui officie sous le nom de Pew enfin c'est très dur à dire pour un non-anglophone comme je le suis. Donc c'est sorti sur le label Paraiso Records, qui est le label de ces fameux Danois, qui sont assez proches aussi des gens de Papyr, qu'on vous a proposé aussi dans cette même émission il y a de ça quelques mois. Et donc c'est une session volume 3, parce qu'ils avaient déjà rencontré ce guitariste américain à maintes reprises par le passé. Et on va écouter donc un titre de cet album qui s'intitule Utopia. Thank you. On a démarré l'asile de cette semaine avec une séquence de rock psychédélique dano-philippin. Tout d'abord, des Danois avec les Cosa Sui et leur album en compagnie de Ron Schneiderman, session volume 3, publié par Paraiso Records, qui était enchaîné avec un groupe de folk prog psyché de Thaïlande sous le nom de Kun Narin. Kun Narin et l'album Electric Fin Band sorti sur Innovative Leisure Records. Alors on sait pas trop si c'est une supercherie cette histoire. Apparemment ce serait un producteur américain, donc monsieur John Marais, qui serait allé les retrouver au fin fond des Philippines après avoir vu une série de vidéos. Alors on sait pas trop si c'est un faux groupe de musiciens américains ou des musiciens philippins, mais en tout cas c'est plutôt très très bon. C'est une des très très belles découvertes de la rentrée en musique psychédélique, qui devrait d'ailleurs ravir nos camarades de Stone Circus qui reviennent la semaine prochaine, qui font leur rentrée courant de semaine prochaine. On va continuer avec une séquence plutôt raccord par rapport à Yupsa, je pense, avec une sorte de raga folk par le couple Mike et Cara Gangloff. Alors Mike Gangloff, qui est ancien membre de Pelt, le groupe de Jack Rose. Donc, sachant qu'on allait faire l'émission ensemble, Jeff, je me suis dit que ça t'intéresserait au plus haut point. Oui, parce que c'était tout à fait à propos. On aura l'occasion de voir ça tout à l'heure avec Mary Sanderson, notamment, je pense, qui a beaucoup de choses en commun avec ces fameux guitaristes qui étaient Jack Rose ou d'autres. Enfin, ce style primitif, comme l'appelait John Fahey, typiquement américain. Oui, d'Americana, on pourrait, comment on appelait ça de manière un peu idiote il y a quelques années, de New World Americana. Donc on va continuer avec Mike et Cara Gangloff, extrait d'un disque qui est sorti au printemps sous le nom de Black Ribbon of Death, Silver Thread of Life. On va écouter deux titres enchaînés. Alors c'est un mélange de vielle à roue et de fiddle, mais dans un registre un peu extrême. Et Mike Gangloff est aussi parfois de la tempura ou encore du banjo, donc c'est un peu ce genre de musique assez proche de ce que faisait Jack Rose. On écoute une séquence extraite de ce disque avec le titre Rocking in Weary Land. Toujours dans l'asile de plus sûr, en compagnie de Jeff de l'association UPSA ce soir, avec donc une séquence de vielle qui envoyait du bois, hein, n'est-ce pas, Jeff? Ah oui, nous avons voyagé, imaginé des contrées improbables. C'était le couple Mike Cara Gangloff, originaire de Virginie du Sud, avec donc Mike Gangloff qui a fait partie de Pelt, qui continue à faire partie de Pelt, parce que même si Jack Rose n'est plus, il y a toujours une formation Pelt qui continue à sortir des choses de temps à autre. Il est plus régulièrement au sein des blagues Twig Piggers, puis de pas mal d'autres formations, notamment aux côtés de Steve Gunn. On l'avait passé aussi dans un autre projet collaboratif à géométrie variable sous le nom de Black Dirt Hawk, dans un registre plutôt proche de ce qu'on a entendu, qui est extrait de ce disque Black Ribbon of Death, Silver Thread of Life, sorti très récemment. On va continuer avec les musiques que vous proposez pour ces deux soirées concerts UPSA. Donc UPSA, qui est une association qui a déjà une bonne dizaine d'années au compteur. Eh bien, pas loin. Je crois que UPSA a dû prendre forme en 2005 ou 2006. Donc effectivement, on approche des 10 ans. Avec des concerts principalement du côté de Rennes et alentour, avec à raison d'une dizaine de soirées par an dans différents endroits. Plutôt... Oui, enfin voilà, il y a pas de, on n'a pas de quota particulier, enfin c'est en fonction des coups de cœur. Et oui, ça a été très souvent à la bascule et ailleurs. Mais... Et plutôt dans le domaine des musiques folk anglo-saxonnes, pas que Alors pas que, c'est un peu par défaut, si j'ose dire, dans la mesure où c'est un format plus simple à mettre en place, du coup c'est... C'est un peu pour ça que je me concentre là-dessus, mais ça peut être autre chose. Enfin, ça peut être des musiques amplifiées, improvisées en tout genre. Après, c'est en fonction de des envies et puis des groupes qui sont de passage aussi dans le coin. D'accord. À l'image donc des deux soirées qui vont avoir lieu les deux jeudis qui arrivent, donc jeudi 11 avec une soirée que tu vas nous présenter qui se tiendra à la chapelle de l'Hôtel Dieu. Donc on n'a pas très souvent l'habitude d'aller à l'Hôtel Dieu pour écouter des concerts. Non, eh bien écoutez, on va changer un peu l'esprit du lieu et y faire passer un peu de musique. Donc alors pour situer, donc ça se situe vraiment dans les bâtiments de l'Hôtel Dieu. Donc il faudra passer par les couloirs de l'hôpital pour y accéder. Bon, il faudra mettre un peu de côté cet aspect-là et profiter du cadre quand même très agréable et propice à l'écoute de musique calme et aérienne comme ça va être le cas. Donc notamment avec le duo rennais Cataplysmique et l'écossais Gareth Dixon. Donc soirée plutôt cordes et guitare, oui. Voilà, la belle part à la guitare du coup. Ok. On va peut-être commencer par l'écossais Gareth Wills Dixon, donc qui a démarré il y a quelques... Oui, il y a quelques... ça fait peut-être bien 10 ans également de son côté. Assez discret au départ finalement. Donc il faisait ses petites choses dans son coin. Et puis un jour, comme tant de groupes, il a eu la bonne idée d'envoyer une maquette à Fat Cat. Et là, un coup de chance assez formidable, Vashti Bunyan jette une oreille à ça. Elle se dit, tiens, c'est le guitariste dont j'ai besoin. Donc Vashti Bunyan qui faisait son retour à ce moment-là avec Luke Aftering. Et bien pour le coup, Gareth Dixon a pu l'accompagner en tournée partout dans le monde. Donc une belle mise en matière pour l'occasion. Ce qui lui a permis de rencontrer pas mal de monde, de jouer dans des lieux assez prestigieux, de faire la connaissance de Joe Boyd qui était le producteur de Nick Drake. Oui. Donc qui prendra tout son sens, comme vous le verrez. Et voilà, et du coup son véritable album Quite a Way Away donc est sorti sur 12K il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc on peut appeler ça le début, dans la mesure où c'est un album avec un certain nombre de titres, alors qu'il faisait plutôt des EP auparavant. Et de la production, enfin ouais, voilà, contrairement à ces, plutôt des productions perso en petit tirage précédemment, voilà. Quoi. Après, ça reste, bon, la démarche reste, bon, qu'il s'agit d'enregistrement fait à la maison, voilà, en toute simplicité. Là, par contre, bon, il a la chance d'avoir Taylor Dupri comme, oui, comme producteur. Comme producteur. Ou forcément ça. 12K est plutôt un label musique électronique, ambiante électronique aussi par certains côtés, donc c'est vrai que c'est assez du coup, voilà, ça contraste pas mal. Après, bon, il est vrai que Gareth Dixon se démarque un peu de la folk traditionnelle dans l'utilisation d'une certaine quantité de réverb, d'écho analogique, qui donne un aspect très, très nimbé, très auréolé, très aérien dans sa musique. Qui conserve tout de même ces qualités assez traditionnelles. Bon, bah, on retrouve très, très facilement l'influence de Nick Drake dans tout ça. Il ne s'en cache pas, d'ailleurs, il tient lui-même une forme de tribute à Nick Drake sous l'appellation Nick Drake. Oui, c'est ça, il se fait surnommer Nick Drake. Donc, où il joue les morceaux de Nick Drake tels que Nick Drake les jouait. Donc, son approche. À ce propos, et qu'il estime que les morceaux de Nick Drake sont tellement parfaits en eux-mêmes que si on est amené à les jouer, il faut les jouer tels quels. Donc là, c'est vraiment dans la voix comme dans le jeu, c'est du Nick Drake qui colle parfaitement. Et d'ailleurs, à ce propos, il me semble qu'il se produira en fin d'année au lieu unique pour la folk journée, donc où il présentera ce fameux projet de reprise de Nick Drake. Ok, mais tu es bien informé, Jeff. Il va certainement s'emparer de la réverbe naturelle de la chapelle, que je ne connais pas du tout, donc ça va être l'occasion de découvrir ce nouveau lieu et ce lieu assez atypique de concert, donc à l'Hôtel Dieu, acoustique assez incroyable, la chapelle. Ok, écoute, non, il ne faut pas s'imaginer non plus un lieu exceptionnel. Enfin, c'est une chapelle, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, du coup. Et oui, effectivement, j'aime bien dans cette idée-là que c'est une musique qui est faite pour s'écouter et bien calmement assis pour pouvoir profiter pleinement de sa qualité. Ok. Et donc tu as fait un couplage assez intelligent avec les Rennais de Cataplysmique, qu'on peut peut-être présenter aussi pour les auditeurs de l'Asile Plus Sûr et de Canal B, donc qui est un duo qui existe depuis 4-5 ans, hein, je pense. Oui, il me semble. Le projet a dû exister depuis un certain temps avec uniquement Flavien au départ. Et ouais. Donc l'arrivée de Franck a changé pas mal de choses. Et puis il y a parfois des participants plutôt, aussi. Oui, ouais. Voilà. C'était plutôt branché électrique au départ, et là c'est une version acoustique qu'ils nous proposent. Ok. Donc avec un. Bon, alors les univers ont beau être très différents entre Cataplysmique et Gareth Dixon, mais ce qu'il y a de commun, c'est que c'est pareil, c'est une musique qui est faite pour être écoutée sans éléments parasites. Du coup, le cadre d'une chapelle et bien se porte parfaitement. Ouais, c'est propice, à ça. Ok, donc un EP et un LP, un album long qu'ils ont sorti à ce jour, hein, si je ne m'abuse, donc peut-être d'autres actus dans l'année. On va écouter le titre Invitation personnelle, le bien nommé par Cataplysmique. Le temps de caler le morceau qui a quelques petites... Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce titre qui apparemment a bogué? On va réessayer ça. Sur un autre player, ce sera sans doute plus propice à la méditation avec donc ce titre de Cataplysmique, Invitation personnelle. espèce et ses caisses. Only une séquence assez introspective, on pourrait dire, offerte par Jeff de l'association Youpsa, avec trois musiciens très exactement que vous pourrez entendre ce jeudi à Rennes. Ce sera le 8 septembre. Le 11 septembre. Nous sommes le 8 et ce sera donc jeudi de cette semaine à la chapelle de l'Odiel Dieu. Merci de me reprendre. De toute façon, toutes les informations sur le site de l'association youpsa.wordpress.com. Le tarif est de 5 euros. Si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Et donc, pour préciser, alors si vous êtes piéton, le mieux est d'arriver par la rue de la Cochardière. Donc, c'est la rue qui va vers le rectorat. Voilà, exactement. Qui donne sur la rue d'Entrain. Ou autrement, en voiture, l'accès se fait par la rue de Saint-Malo. D'accord, donc on a entendu tout d'abord Cataplysmic, enchaîné avec Gareth Dixon, un extrait donc de son disque sorti l'an dernier ou l'année d'avant sur 12K, sous le titre Quiet Way Away, c'est ça? Voilà, et du coup Gareth aura certainement, enfin j'espère en tout cas, sous le coup de son dernier disque à être sorti, donc il s'agit d'enregistrement live et ce sera pour la première fois sous forme de vinyle. Voilà, donc pour les amateurs. Ok. C'est le premier vinyle qui sort, quoi. C'est ce que tu voilà, veux dire. D'accord, ok, oui. Oui, c'est vrai que 12K sort principalement beaucoup de CD. Ouais. Ok, et puis je pense que pareil pour les petits cataplysmiques qu'on salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. On va enchaîner avec la soirée qui va enchaîner donc jeudi de la semaine prochaine. Donc ce sera le 18, hein, c'est bien. Le 18 cette fois. Oui, d'accord. Donc autour du label Mississippi Records, principalement, donc label qui existe depuis aussi une dizaine d'années, pareil. Oui, peut-être là plus dans une petite quinzaine d'années, quinzaine. Désormais. Voilà. Alors, donc ce sera une soirée en deux temps. Donc Eric Isaacson, un des cofondateurs du label, sera présent. Et donc à l'instar de ce qu'il a pu faire il y a un ou deux ans, donc à savoir une petite tournée avec... L'année dernière même, je crois. C'était l'année dernière. Ouais, en Europe, ouais. Avec une collection de films des archives d'Alan Lomax, donc il avait intitulé « I don't feel at home anymore, in this world anymore », donc comme une de ses compilations. Et bien là, il va nous présenter une nouvelle projection, qu'il a cette fois intitulée « Cosmic and Earthly History of Recorded Music According to Mississippi Records », donc un titre assez long et évocateur. Donc il s'agira de retracer l'histoire de la musique enregistrée, alors pour reprendre ces termes, de la naissance des premières étoiles jusqu'aux obscures années 80. D'accord. Tout un programme. Donc voilà une projection qui contiendra entre autres des images d'archives de quelques-uns des plus grands musiciens qui ont peuplé la Terre, donc de Gary Davis, de Rosetta Tharpe et bien d'autres. Okay. Voilà, donc une projection sous forme de questions-réponses, de conférences. Donc il sera là pour répondre et discuter aux questions, loin de du côté académique. Enfin, ce sera vraiment plus une déferlante d'images et de sons faits pour ravir les yeux et les oreilles plus qu'une conférence ennuyeuse. Avec le bruit de fond de l'univers en arrière-plan. Voilà. Ok. Et donc tout ça donc à la Salle de la Cité, donc jeudi en 8, le 18, à partir de 20h30, 21h. Alors voilà, comme la soirée s'annonce assez longue, la projection commencera à 20h et les concerts donc après la projection. Ok, donc dans une interview du Wire que je viens de te passer d'ailleurs, je crois me souvenir qu'il parlait un petit peu des débuts de son label et qu'il avait commencé à peu près à une époque où le label Revenant de John Fahey était encore en activité et donc ça lui a pas mal ça l'a pas mal inspiré aussi dans le fait de faire un label de cet acabit. Donc lui il est basé à Portland, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc au départ c'est avant tout un disquaire à Portland. Bon, à ceux qui ont la chance d'y avoir fait un saut ne font que relater des expériences très très très intéressante, donc avec des pléthores de disques à bon prix. Et effectivement, dans la démarche, on est proche de John Fahey ou du travail de l'ethnomusicologue Alan Lomax ou d'Harry Smith. Donc c'est une l'idée quelque part, c'est de pouvoir sortir des disques pour les faire connaître, sachant que au départ tout est basé sur le côté émotionnel. Enfin, Eric Isaacson choisit les disques qui le touchent, hein, tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'agenda dans tout ce qu'il sort. C'est... Oui, il y a du jazz, il y a des trucs un peu expérimentaux. Oui, voilà, ça touche un peu à tout, avec une l'emphase qui est mise quand même sur la musique nord-américaine. Mais globalement, les musiques traditionnelles du monde entier, finalement. Ce qui est donc avec un point commun à tout cela, c'est qu'il faut que ce soit des enregistrements maison, loin d'un studio d'enregistrement aseptisé. Il faut que ce soit quelque chose d'organique. Ok, d'accord. Donc il y a des musiques du Sahel, des musiques de Mauritanie, de partout. Pays d'Afrique. Donc, et l'idée, de sortir des petites séries sous format de vinyle, bien qu'il ait commencé une série de cassettes il n'y a pas si longtemps. Donc, au départ, c'est une petite opération, donc basée à Portland, et puis un jour... Portland, Oregon, pas dans le Maine. Et donc, un jour, par chance, grâce au bouche à oreille, eh bien, Honest John lui tombe dessus et lui dit, écoute... envoie-nous 300 de tes sorties à chaque fois et on les revendra à Londres. Et puis c'est comme ça que sans promotion, sans publicité, sans argent investi là-dedans, de fil en aiguille, on commence à trouver ces disques un peu partout. Et... Oui, il faut dire qu'il y avait déjà eu des collectionneurs qui avaient commencé à pas mal à lui acheter des choses d'un peu partout dans le monde. Donc il y avait quand même un bruit qui arrivait un peu partout aux oreilles, que Mississippi Records sortait des choses assez incroyables et qu'il y avait vraiment que pour sortir certaines pièces qu'on n'avait pas entendues depuis ou qu'on n'avait jamais pu entendre plus exactement. Donc c'est vrai que c'est pas très étonnant. Que par la suite, il y a eu un contrat de distribution ou un peu plus de diffusion. Oui, voilà. Après, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'effectivement, ça s'est basé uniquement sur de bouche à oreille et sans aucun effort de son côté, ce qui est une chance assez, assez fabuleuse dans ce domaine-là. Et donc, à la fois des choses sur lesquelles il a réussi à trouver des bandes assez incroyables, donc du temps jadis, on pourrait dire, et puis aussi une production de nouveaux artistes aussi, hein, en parallèle. Voilà, oui, au départ, je pense qu'il a essayé de documenter un peu ce qui se passait à Portland, donc on y retrouve Tara Jane O'Neill, Michael Hurley, des artistes qui y sont passés ou qui y sont toujours. Et puis par la suite, c'est pareil, il a pas mal de chance dans le sens où ce sont des personnes qui lui envoient des enregistrements, des bandes, des disques, en lui disant on te prête ça et puis tu vas nous en refaire un pressage. Donc c'est assez intéressant aussi, qu'il part de ce côté. On se demande si lui-même archive beaucoup de choses ou si lui-même produit ou enregistre des choses. Et donc, dans tous les cas, c'est non, puisque finalement, tout ce qu'il reçoit, il est obligé de le restituer par la suite, une fois que le pressage est fait. Et lui-même indique qu'il n'a aucun temps finalement pour aller produire des enregistrements lui-même, puisqu'il est tellement occupé s'organiser dans toutes les sorties qu'il aimerait réaliser. Donc on parle de quelques centaines de disques qu'il aurait sur la liste des choses à sortir. Donc voilà. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté do it yourself. Donc en partant de rien, il n'y a pas d'idée. Enfin, on ne cherche pas à capitaliser avec tout ça. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir ces disques-là. Et puis, une fois qu'il y a assez d'argent arrive en banque, on sort le suivant, et puis et ainsi de suite. Ouais. D'accord. Et donc, l'idée aussi donc, de ces caravanes tours, notamment en Europe, comme celle donc, qui va démarrer dans quelques jours et qui va s'arrêter à Rennes, donc à la Salle de la Cité, le 18 septembre, avec trois artistes, donc, soit du catalogue, soit des amis de Mississippi Records, donc Laurie Golson, Marissa Anderson et Dragging an Ox Through Water, dont on va parler tout à l'heure. Mais on voulait faire une séquence autour de John Fahey, parce que, voilà, histoire de rendre un peu... Je pense, oui, voilà. Voilà, rendre. Et donc avec un vieil opus de 1965, The Transfiguration of Blind Joe Death. Alors pourquoi ce disque, Jeff ? Eh bien, je pense qu'il est fort à propos dans la mesure où on se glisse très subtilement vers Marissa Anderson, qui elle-même pratique un style de guitare assez proche, donc ce style que John Fahey est qualifié d'American primitive. Donc qui concentre finalement beaucoup de choses et beaucoup d'histoires de la guitare américaine. Donc John Fay passe un peu pour le représentant de ce courant-là, donc il me semble que c'est tout à fait approprié. Que justice. Thank you. Vous êtes toujours dans l'Asile Obscure avec cette spéciale autour de l'association Youpsa qui nous propose deux soirées-concerts très prochainement à Rennes et notamment donc le 18 avec cette soirée spéciale autour du label Mississippi Records. On a entendu tout d'abord John Faye avec ce Transfiguration of Blind Joe Death qui était enchaîné avec Marissa Anderson. À l'instant, The Golden Hour, donc un disque qu'avait sorti le label de Portland, donc Marissa Anderson qui est une musicienne qui est originaire de cette ville ou qui est basée là-bas en tout cas. Alors elle est basée à Portland effectivement, elle a pas mal baroudé, donc voilà, c'est son nouveau port d'attache. Donc guitariste plutôt assez spécialiste de l'open tuning et du finger picking. Voilà, qui maîtrise un vaste panel de styles dérivés de diverses choses que la guitare peut nous proposer. Enfin, on sent bien qu'elle maîtrise vraiment son instrument et toute cette mouvance liée à la guitare. Donc on passait John Faye tout à l'heure, enfin c'est un peu dans la continuité de ces choses-là. Musicienne qu'on n'entend pas très souvent en Europe d'ailleurs, enfin je pense pas qu'elle tourne. Je ne saurais pas m'avancer sur la question, mais c'est peut-être bien ça, une de ses premières apparitions par chez nous. Ok, elle a sorti un disque également sur Mississippi en 2013 sous le nom de Mercury. Voilà, donc on va enchaîner avec un autre projet qui jouera ce jeudi 18 septembre dans le cadre de cette soirée Mississippi à la salle de la Cité organisée par Youpsa en la personne de Dragging an Ox Through Water, que tu vas peut-être nous présenter, Jeff, si tu veux. Oui, alors ce sera un peu l'individu mystérieux de la soirée, dans la mesure où on ne sait pas beaucoup de choses sur ce personnage, si ce n'est qu'il a participé aux débauches sonores de Jackie Motherfucker et quelques autres groupes de Portland. Mais à part ça, c'est un bonhomme qui bricole chez lui avec un format de folk song ancré dans la tradition et en même temps un côté bricoleur, donc utilisant des oscillateurs faits maison et puis divers objets produisant des sons un peu indomptés. Côté un peu mystérieux, donc, oui. Même si dans le fond, on reconnaît bien, vous l'entendrez à la voix, à la manière d'interpréter ses chansons, finalement le format folk song tout à fait traditionnel, mais plus parasité par quelque chose, phagocyté par des sons, peut-être de toujours le fameux bruit de fond de l'univers du fondateur et patron de Mississippi Records. Je voulais aussi vous signaler qu'on a des places à gagner pour ce festival Mississippi à la salle de la Cité. Appelons-le un festival. Oui, allons-y. Donc au 02 99 52 77 66, vous allez pouvoir gagner deux fois une place. Allez. Voilà, deux fois une place offerte par l'association Youpsa et Jeff. Et vous avez aussi un jeu concours à Blind Spot. Voilà, il suffit de remplir un petit coupon, de le glisser dans la boîte. Voilà, et autrement, donc les places sont aussi pour un tarif de 8 euros avec des résas qui sont à effectuer auprès de Youpsa, par exemple. Oui, ou Blind Spot, toujours. Donc il y a une souche de billets au magasin. Ok, on écoute donc un extrait de ce disque de Dragging an Ox Through Water. On avait écouté un autre extrait la semaine dernière et donc on écoute tout de suite le titre Sparrow Command en vous rappelant le numéro du standard 02 99 52 77 66. C'est parti. And the skunks and the rats and the weed, till the fiddle pierce their bones. There ain't nothing you can pin on me. I mask up when I leave and I don't know when it went. You ain't never seen me and I don't know who you're trying to be. Looking hot till the daylight. But I imagine myself with the weed, the witch of the lonely hands. But I'm dreaming my way through the poison and leaves. You ain't never seen me, and I don't know what you are. I deny everything that I do before the daylight can shine through the screen. Rats in the weeds, a one-way alliance. And go stepping through the lots in the night with me. I'm a wolf with a mask and I can't hear anything. Over my rubber hide and a penchant for bumping high into too low frequency. Out in the twilight, there's a spine in the heart of the weeds. A coward between worlds, making south from the names of the stories getting cleaved. You ain't never seen me, and I don't know what you are. Do you know how the names got rigged? Tell me, baby, won't you whisper like a man for me? Underneath the midnight moon, the names rigged up in the seams, a crack beneath the midnight moon. Run a line through the light for demands you can mean. I can see what you mean, born for the names. Charging up all your stones with the moon, taking sides with invisible golden machines. And when the night comes burning down through the breeze, dear. How often she did kind of cheer my wandering mind. What's going astray but same sun except the way? Et voilà, donc une nouvelle soirée, une nouvelle séquence proposée par Jeff de l'association Yupsa, où on a entendu à suivre Dragging an Ox Through Water, donc ce projet solo assez atypique qui jouera donc le 18 septembre à la salle de la Cité dans le cadre de la soirée Mississippi Records que tu organises, Jeff. Et c'était enchaîné avec Washington Phillips. Alors, il s'agit d'un artiste dont la musique est également sortie sur le label. Eh bien, c'était un prêcheur de gospel qui avait la particularité de jouer sur un instrument eh bien, extrêmement rare désormais, le dolceola. Alors, je ne saurais guère vous en dire beaucoup sur l'instrument, si ce n'est qu'il appartient à la famille des zithers, et donc s'apparente un petit peu à une auto-harpe qui, au lieu d'avoir des touches pour former les accords, eh bien, aurait des touches d'un clavier de piano miniature, d'où ce son de cordes pincées. Oui, avec des harmoniques assez chatoyantes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on reconnaît un peu le personnage, ses signatures sonores tout à fait typiques. Et donc apparemment, c'est quelqu'un qui œuvrait dans la fin des années 20. Oui, voilà, le premier quart du 20e siècle. Donc il aurait enregistré 16 ou 18 morceaux uniquement, et donc l'intégralité de cette discographie se retrouve sur cet album What Are They Doing in Heavens Today, qui est paru sur Mississippi Records. Un vinyle qui est peut-être épuisé, mais qui est peut-être aussi un vinyle que M. Isaacson ramènera donc pour la soirée de la Cité. Voilà, il y a une rumeur selon laquelle il aurait pas mal de choses à vous proposer à vendre ce soir-là. D'accord. Donc, il y a une autre initiative qui mérite d'être soulignée, c'est que, eh bien, il a poussé le vice jusqu'à rééditer la fameuse Anthology of American Folk Music, oui. Donc d'Harry Smith, oui. Dans une forme proche de l'original, dans des coffrets bois, recouverts de tissu ou bois pour la version de luxe, sur du vinyle de 100 grammes. Donc vous retrouverez un objet assez proche de l'original que vous n'aurez sans doute jamais entre les doigts, puisque ça ne court pas les rues. Ce genre de choses, et du coup voilà, il fallait être assez fou pour se frotter à un tel pari, et pour une somme modique aux États-Unis. Bon, ici évidemment avec les frais de port on doit débourser un peu plus, mais voilà, ce sera l'occasion, sera toujours, peut-être, oui. Bon, les objets étant assez lourds, je doute qu'ils en prennent beaucoup, mais bon, ne sait-on jamais. Oui, ça fera peut-être partie de la caravane quand même. On va enchaîner avec une autre artiste qui sera donc dans ce tour Mississippi Records. Donc il s'agit de Laurie Golson, qui est violoncelliste. Voilà, alors c'est sans doute l'artiste avec le CV le plus fourni des trois ce soir-là. Et pour cause, bon, commençons par le plus évident. Alors, de formation classique, elle a eu la chance de assez rapidement d'apparaître aux côtés d'un célébrissime groupe qui était Nirvana, et donc ce moment a été immortalisé sur le Unplugged à New York. Donc si artistiquement c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est quand même bon pour la postérité assez important. Après, donc elle a participer à bon nombre de projets divers et variés, et il y a de fortes chances que vous possédiez des enregistrements où finalement la partie violoncelle est tenue par Laurie Goldstone. Donc on peut noter récemment ses apparitions aux côtés de Earth sur le double album Demons of Light. Et finalement, sous son nom, elle a assez peu produit. Voilà, du coup, ce sera le premier véritable album qu'elle nous présentera. Oui. Donc elle a pas mal œuvré comme compositrice de musique de film dernièrement, et là avec Creekside, du coup ce sera une collection de pièces pour violoncelle solo qu'elle nous présentera. donc soit acoustique, soit amplifié avec un brin de distorsion, histoire de rendre les choses un peu plus velues, un peu plus okay. Un peu plus malsaine. Et donc on va pouvoir s'en rendre compte avec un extrait de ce disque Creekside, sorti chez Mississippi il y a quelques mois, avec le titre Tremolo. Et je vous rappelle que vous pouvez appeler le standard au 02 99 52 77 66 pour gagner des places pour cette soirée Mississippi Records le 18 à la salle de la Cité. On écoute Laurie Goldstone. Thank you. j'essaye de laisser les harmoniques passer de l'autre côté du poste, voilà, pour cette avant-dernière séquence de l'émission avec toi, Jeff. Donc, on a entendu Laurie Goldstone tout d'abord, hein, qui se produira donc le 18 septembre, donc jeudi en 8. Voilà, à la salle de la Cité, donc pour un des derniers concerts en soirée dans cette salle. Alors juste pour info, donc l'accès se fera par la rue des Changes et non par la rue Saint-Louis. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vous trouvez porte close du côté de la rue Saint-Louis. D'accord, ok. Et vous avez plus d'informations sur vos soirées-concerts sur le site youpsa.wordpress.com. D'autres choses en prévision? Est-ce qu'il y a des choses donc que tu... Écoute, des projets. Bon, des projets de projets qui aboutiront ou pas, mais pour l'instant ce sont les deux soirées. Voilà. Salle du 11, donc avec Caras Dixon et Cataplysmic à la Chapelle de l'Hôtel Dieu, donc jeudi de cette semaine pour 5€. Et donc à la Salle de la Cité pour 8€, le Mississippi Tour à Rennes, donc à ne pas manquer, puisque c'est quand même une occasion. C'est rare de voir ces trois-là en même temps, avec en prime une belle projection qui vous attend. Donc 8€ en pré-vente et 10 sur place, donc il y aura une petite buvette et de la restauration. Donc, ok, vous faites voilà. Bien les choses, quoi. Ok, merci Jeff. Un mail peut-être, allez, soyons fous, si on veut écrire. Oui, alors vous le trouverez également sur notre site, mais autrement, youpsa@nolog.org, donc youpsa@no-6log.org. Ok, bah écoute, je te remercie. Puis on va se quitter avec une dernière pièce de Laurie Goldstone, donc qui est accompagnée par d'autres musiciens sur un disque de musique de film sur le label Sub Rosa, sorti en 2013. Et je crois que les vidéos sont disponibles sur le site de Sub Rosa. D'ailleurs, on peut voir les différents films dont pour lesquels elle a fait une musique assez étonnante, comme celle qu'on va pouvoir découvrir tout de suite avec le titre Wolf Obscured by Snow, qui est donc un titre plutôt dans une sorte de musique un peu folkoïde nouvelle, on pourrait dire. Je sais pas si c'est... Alors la radio, c'est assez terrible parce qu'on donne toujours des épithètes et des choses qu'on devrait pas. Voilà. Je te remercie en tout cas, Jeff. Eh bien, merci. Et puis, bonne nuit. Et à la semaine prochaine, on écoutera une émission spéciale qui ne sera pas enregistrée en direct. Ce sera une émission en différé autour d'un collectif de free jazz turc qui répond au nom de Construct. Voilà. Bonne semaine à l'écoute du 94. Vous pouvez retrouver l'intégralité des playlists et des sélections de l'Asile le plus sûr sur le site asile35.blogspot.fr. Également sur le Mixcloud/Redman. À bientôt.